voici, je pleure, voici, je pleure. Si je viens, voici, je visite, voici, je pleure, voici, je pleure. Maman, souviens-toi, ma belle fille, ma belle reine, et je cherche. Soyez visible, soyez blanc, soyez blanc. Docteur, soyez bien. Soyez visible, soyez blanc, soyez blanc. À la valine d'Avari, à la valine d'Avari, à la valine d'Avari, à la valine d'Avari, à la valine d'Avari, d'Avari. Important, look, look, I'm taking time, look, look, I'm taking time, look, look, I'm taking time.